Et quand j'inspire, je sais que j'inspire. Et quand j'expire, je sais que j'expire. L'esprit vagabonde, que des pensées m'emmènent ailleurs. À l'instant où je m'en aperçois, je note où la pensée m'a emmené et je choisis de ne pas être emmené dans ce train de pensée. Et je choisis de les raccompagner et de raccompagner mon attention à mon instant.